facture. Mon ciel. Oui, j'ai une petite annonce. Il y a un PMC à Saint-Ligory qui se fait le vendredi 29 octobre au 1er octobre. C'est dans une base de plein air. Le 29 septembre. Le 29 septembre au 1er octobre. C'est une fin de semaine. C'est une base de plein air. Il va y avoir des pratiques au PMC. Puis, il va y avoir des loisirs. Il y a une conférence avec Daniel. Ah! T'es pas au courant? OK, tu l'es maintenant. Daniel. Monsieur Kemp, il va y avoir des loisirs pour... Vous pouvez amener les enfants. Il y a une piste libertiste. Il y a le tir à l'arc qui va être pratiqué, le canot. Pour plus d'informations, vous contactez Michel Carrière. Puis on continue. Tu as une question sur la sculpture morancienne. Comment on procède pour arriver à sculpter une entité morancielle? Bon, pose-la. Bon, dans cette mécanique, il y a différentes problématiques. C'est que la théologie a déjà tenté de se servir de ces lois morancielles pour leurrer l'humain. Étant donné que l'humain a une faiblesse magistrale, c'est-à-dire celle d'avoir un ego, donc avoir une âme, chaque fois qu'on lui donne de l'information, il l'émotivise, donc il la spiritualise. Et de l'information spiritualisée ou émotivisée est de l'information inutilisable. Elle est sécurisante, elle est importante, elle n'est pas utilisable. Donc, elle est inutile. C'est nécessairement un problème. Lorsque je parle ou lorsque je vais parler de la sculpture morancielle, énormément d'égo ou d'âmes peuvent récupérer l'information, ce qui va nuire énormément à l'application du contexte. J'ai dit que l'être humain ne pouvait pas s'en servir. Donc, ce que je vais expliquer présentement est inutilisable par l'humain. Donc, c'est inutilisable par l'humain. Il faut être anégoïsé. Il faut être autre chose qu'un humain. Exact. Donc, il faut être anégoïque. Il faut être complètement anégoïque? Suffisamment anégoïque pour pouvoir comprendre ce que je veux dire et plus ou moins totalement anégoïque pour pouvoir appliquer ce que je veux dire. Ça veut dire, s'il nous reste un peu d'ego, on peut commencer à procéder à la sculpture morancielle. Oui. Oui. Mais quand on sait, comment on peut être... comment ça se fait à notre insu? Non. Donc, on est parfaitement conscient? Oui et non. Question de paradoxe, question de conscience, question de conscience parallèle. Dans le plan morontiel, il y a cette matière est, comme toute forme d'énergie vitale, exécutrice. Donc, elle exécute ce qu'une entité ordonnatrice va lui dire. Alors, on sait que les forces vitales, les forces qu'on appelle souvent belzébutiennes, sont des forces exécutrices. Si l'astral commande à un oiseau de s'envoler, l'oiseau décolle. Mais si l'homme, qui lui est capable d'avoir plus de puissance ordonnatrice que l'astral, si l'homme programme l'oiseau, lorsque l'astral lui dira de partir, l'homme pourra lui dire reste et l'oiseau va rester. On peut programmer un chien à l'attaque et à l'obéissance. Le chien, avec les crocs sortis, en plein saut, donc dans les airs, pour attaquer un agresseur, si le maître lui dit d'arrêter, le chien va arrêter, va s'écraser sur l'agresseur, il va se retrouver à terre et il va revenir. Donc, tout ce qui est exécuteur, l'humain peut le contrôler. Étant donné que l'humain a une grande partie de sa constitution astralisée, c'est l'astral qui contrôle, l'astral de l'homme qui contrôle l'extérieur. De ce fait, le mental ne contrôle pas l'extérieur convenablement. Si nous développons une autorité mentale suffisamment puissante dans l'astral, notre mental, c'est-à-dire ce que nous appelons normalement notre conscience, contrôlera. Alors, il est possible, par un contrôle très appliqué de la voix, de dire à quelqu'un « lève-toi » et il sera obligé de se lever. On aura le contrôle de son interpréteur actionnel. Même si l'âme dit non, je reste assis, le corps sera en train de se lever. Jusqu'à dire à un individu, guéris, et le corps physique guérit. Et on peut aussi dire à notre main, guéris, et la main guérit. Mais quand tu dis qu'on donne des ordres, est-ce qu'on donne des ordres au plan morontiel? Non. On donne des ordres à l'énergie vitale, qui est présentement corporifiée. Donc, elle fait partie du plan morontiel, mais d'un plan morontiel matérialisé. Le plan morontiel lui-même est de l'énergie qui n'a pas de corps. On l'a souvent défini comme étant l'endroit où il y avait la vie sans le corps. C'est donc de l'énergie vitale, de l'énergie éthérique, c'est un synonyme, de l'énergie morontielle, c'est un synonyme, morontielle voulant dire transition, de l'endroit où vont les âmes entre la mort du corps physique et la mort dans le monde de la mort, endroit de transition moronciel. Ce que l'on doit faire, c'est que l'on doit être capable de coordonner, donc d'ordonner d'une façon commune l'énergie moroncielle, l'énergie vitale, et notre énergie mentale, ce que nous voulons avoir. Le mental a besoin de certaines structures pour s'exprimer. Un mental relié à un ajusteur de pensée, donc un mental supramentalisé, a besoin de certaines structures événementielles, matérielles, comme biologiques, pour s'exprimer. Votre intelligence le sait et elle sait ce qu'elle a besoin. C'est pourquoi elle va commencer une mutation au niveau du corps physique. Et cette mutation est tributaire de l'acceptation par l'ego de libérer le mental, donc d'autoriser le mental, à recevoir de l'information neuve, des néotypes, de nouvelles formes. Plus on a un anti-homme puissant ou un ego qui nous médiocrise, qui nous empêche d'être, plus cette mutation est retardée et longue. Donc la sculpture moroncielle commence par la mutation du corps physique. Normalement, on devrait être capable de cheminer vers le sculpteur, donc devenir un sculpteur. Pour devenir un sculpteur, on doit déjà avoir une conscience du corps. On doit avoir convaincu l'ego de la possibilité de rajeunir. On ne rajeunit pas pour rajeunir. On rajeunit parce que c'est le meilleur corps pour exprimer de l'intelligence, dans un corps jeune, uniquement. Plus le corps a vieilli, plus le corps est maintenant capable de laisser s'exprimer des archétypes, des vieilles formes. Donc, on rajeunit le corps. On peut rajeunir le cerveau, le système endocrinien. C'est normalement par là qu'il faut commencer la mutation supramentale. Alors, votre corps physique, votre peau, etc., votre foie, ça va vieillir, mais votre cerveau, votre système endocrinien, commence un processus de rajeunissement. Sauf que la problématique, c'est que si le corps meurt, bien, le cerveau meurt, le système endocrinien aussi. Si le corps est toujours malade, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas visiter, vous ne pouvez pas continuer à aller chercher de l'information, c'est-à-dire boire de l'énergie événementielle dans le contexte planétaire. Votre corps vous conserve au lit. Et à un moment donné, si votre corps est tellement malade, intoxiqué, qu'il intoxique le cerveau, bien la mutation devient réellement problématique. Mais une fois que la mutation est commencée, est-ce qu'en même temps, elle se le fait dans le plan moronciel? Quand la mutation est commencée, il y a une égoïsation de commencer, création d'un double éthérique. Si l'individu meurt, ce qui est conscient chez lui gagne un double éthérique, et tout ce qui n'a pas été conscientisé gagne le monde de la mort. L'individu se voit donc séparé en deux. Et ce ne sont pas des parties égales. C'est en fonction de la conscience, de l'inconscience. Donc, l'individu gagne un double éthérique et peut-être qu'il ne sera pas suffisamment conscient ou constitué pour pouvoir se réincarner unitairement. Possiblement qu'il devra se fusionner à d'autres doubles éthériques préconstitués pour pouvoir s'incarner par la suite. Donc, il y a quand même une forme de mortalité. L'être humain, donc, qui vit son anégoïsation, va progressivement, dans son mental, avoir une visualisation de ce qu'il devrait être. Comme on a une visualisation de la planète sur laquelle on aimerait vivre. Mais une visualisation qui n'est pas suffisamment consistante, qui change, qu'on oublie régulièrement, on se couche, on gueule, on chiale. Alors on veut avoir une planète de paix, et puis on lance une roche au chien du voisin parce qu'il jappe un peu fort. On va avoir une planète de paix, et on se frustre parce que nos enfants font ceci, ou on gueule contre les syndicats, ou contre le gouvernement, ou ce qu'on voudra. Alors on veut avoir une planète de paix qui, elle, ne veut rien savoir de nous autres, qui, elle, ne veut pas nous avoir. Lorsque l'individu s'anégoïse de plus en plus, mentalement, il finit aussi par avoir une idée de ce qu'il veut être, lui. Mais quand on dit de ce qu'il veut être lui, en réalité, du véhicule qui serait le plus confortable, le plus efficace pour permettre l'expression de l'intelligence. Il faut une négociation suffisante. Progressivement, ce qui va arriver, c'est que dans le plan moronciel, il va se créer une copie, c'est-à-dire qu'on va inconsciemment dans le début, par la suite on peut le faire consciemment, on va créer l'image parfaite du véhicule terrestre, donc du véhicule biologique, du corps physique, qui représente le mieux le véhicule qui nous permettrait à nous d'être exprimés à 100%. Cela veut dire que si nous ne pouvons visualiser le corps d'une personne qui va casser la gueule au plus puissant à sa planète, renverse une automobile parce que quelqu'un l'a écœuré, l'intelligence ne crée pas ce genre de forme. L'intelligence va donc engendrer la visualisation inconsciente, la gustation, le quelque chose qui va faire que progressivement, on va entrer en résonance avec toute forme de corporification qui va avec ce que nous recherchons. Exemple, juste avant, à un moment donné, vous allez rencontrer un individu et vous allez trouver que cette personne, vous n'en êtes pas jaloux, mais être elle serait plaisant. Bon, pas dans tout ce qu'elle exprime psychologiquement, mais avoir ce véhicule, ce n'est pas ce qui va nécessairement être dit au niveau de la conscience, mais l'individu nous plaît sous tous ses azimuts. C'est qu'il a un corps qui permet une expression de l'intelligence, il a un corps physique que si vous auriez ce corps, vous pourriez vous exprimer. Je ne parle pas juste de parler, vous pourriez rayonner. Donc, progressivement, le corps mental, la visualisation inconsciente, qui n'est pas émotivisée, commence à sculpter dans le plan moronciel une image vitale qui pourrait engendrer le corps physique idéal pour permettre ton expression, l'expression totale d'un mental personnalisé, identifié. Progressivement, la majorité des humains qui se conscientisent auront réussi à faire cette sculpture. Mais premièrement, donc, elle a déjà commencé, cette visualisation-là. Est-ce qu'il faut l'appeler pour la rencontrer? Bon, dans ton cas, elle est commencée, mais pas nécessairement commencée. Bon, admettons qu'elle est... Bon, elle est commencée dans mon cas. Maintenant, est-ce qu'il faut que je l'appelle pour être en présence d'elle? Voilà, la grosse problématique, c'est que... à cause de l'ego, si on dit de l'appeler, l'ego immédiatement se met à crier. Et là, il émotivise quelque chose, c'est-à-dire que l'ego risque de créer, dans sa structure, une mémoire copie conforme de la sculpture. Et justement, ce phénomène-là, est-ce que ça rejoint la visualisation qui défait? Comme on disait, si tu imagines un futur, tu le tues. Oui, ça risque d'amener cela. Pourquoi? Parce que l'ego voudra incorporer la mémoire de la sculpture et ne voudra pas autoriser le mental, donc t'autoriser, à continuer la quête de la sculpture, de l'entité moroncielle, uniquement parce qu'il est convaincu qu'il l'a trouvé, alors que ce n'est que la mémoire qui l'a trouvé. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le mental engendre l'idée, donc sculpte l'entité moroncielle, l'ego, lui, dans l'astral, sculpte la même chose. Parce qu'évidemment, il veut l'aider. Mais il travaille contre l'autre phénomène. Bien, ce qui va arriver, c'est que l'ego voudra se diriger par là-bas, alors que c'est par là-bas que tu devrais aller chercher la sculpture, donc l'entité moroncielle. Donc, tu risques de la perdre. On ne doit donc pas sécréter émotivement pour aller la chercher, mais on doit être capable de faire la différence entre une vibration sentimentique d'une sécrétion sentimentale ou émotive. Je peux, moi, raisonner énormément avec un être humain qui a un corps physique qui va avec l'idée que je me fais d'un corps physique me permettant mon expression. Je le bois. C'est sentimentique. C'est question d'énergie vitale. Je raisonne. Je vibre. C'est un sentiment. Mais ce n'est pas de l'émotion. Quand l'individu n'est plus là, je ne nostalgise pas sur lui. Donc, je n'ai pas émotivisé le sentiment, je ne l'ai pas détruit. Dans la sculpture, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'on aura un idéal mental. Donc, pas astral. Comment différencier? Si vous n'êtes pas capable, ben, vous n'êtes pas capable. Expliquer ne servira à rien. À un moment donné, on a un mental suffisamment réchauffé pour être capable de différencier. Et on aura l'idéal mental qui n'a pas d'importance si on ne l'a pas, qui ne nous dérange pas si on l'a ou si on ne l'a pas. Ce n'est pas astralisé. Et on saura. À un moment donné, cette entité va nous rejoindre. Elle va lentement être attirée par le mental qui se descend chez nous. Nous allons aller chercher la sculpture, l'entité moroncielle, qui va venir s'accoler à nous. Et la majorité des êtres humains qui se conscientisent ont un jour eu un contact avec leur entité moroncielle. Si, ils l'ont perdu. Si au lieu de visualiser... On ne visualise pas. On conceptualise. Quand je parle de visualisation, faire attention, ce n'est pas le terme visualisation au niveau astral. On ne crée pas une projection de ce que l'on veut. À un moment donné, on sait ce que l'on veut. Bon, OK. Si tu mets en pratique pour changer ton corps physique... Première chose, c'est pas conscience plus rapide? Du corps. Deuxième chose, manifestation. Okay. Tu mets en pratique. Tu m'en pratiques pas un conditionnement physique, tu vas amener un corps qui pourrait ressembler à ce que tu sens qu'il devrait regardez être. Regardez ce qu'il faut faire. Et c'est pourquoi je dis que ce n'est pas applicable dans l'humain. Et là, c'est très banal ce que je dis. Tu as un corps, par exemple, qui a, disons, une cirrhose du foie, ou tu as un handicapé, tu as eu une fracture quand tu étais jeune, et puis ta jambe n'a pas eu la même croissance, tu as deux pouces de moins sur un côté que sur l'autre. Nous donnons un insulier qui a une grande semelle. As-tu l'attitude, si je te donne un bon corps, vas-tu le laisser pourrir? Ce que vous devez développer présentement, quand je disais à un moment donné que l'humain doit se préparer à être transportable, mais c'est dans différents On peut l'exprimer, le comprendre de différentes façons, l'interpréter de différentes façons. L'attitude qui vous habite présentement, est-ce une attitude qui préserverait quelque chose de bien? Parce qu'une personne qui pèse 350 livres va dire, oui, mais moi, je ne peux pas faire de l'exercice comme l'athlète. Non. Mais est-ce que tu continues à détruire ton corps? Parce que la journée, je te donne un corps d'athlète. Est-ce que tu vas courir? Est-ce que tu vas minimum l'entretenir? La personne va dire, ah oui, ah oui, ah oui. Elle n'a pas le temps de magnifiser, elle cherche un emploi. Elle va vraiment pas, moi, est-ce que ça occupe d'un corps en santé? Si un jour, elle en a un. Alors, donc, première chose, c'est de créer une attitude. Je parle donc de programmation de l'ego. Toi, quel âge as-tu? 47. Bon, 47 ans. Si ton ego n'est pas convaincu qu'il peut rajeunir le corps physique, déjà, en partant, tu n'auras pas l'idée. Mais si un jour, on te donne un corps jeune, tu vas le vieillir aussi. Tu n'auras pas plus l'attitude de le conserver. Donc, tu n'es pas un individu capable de reconnaître l'entité morontielle lorsqu'il va te toucher. Alors, tu dois donc commencer par t'arranger pour préserver l'attitude et fais déjà la démarche en fonction de préserver un corps qui. Tu dis, par exemple, moi je fume, oui. Trouves-tu ça intelligent? Non. Est-ce que tu intelligencies la chose? Est-ce que chaque fois que tu fumes, tu conscientises la stupidité du bout de ta pied enveloppant du foin? Bon, mais ton corps physique en a besoin. Il est nicotinisé, il en a besoin. Mais tant que toi, tu fumes, et ça te frustre autant que le gars qui fume pas ou la fille qui fume pas à côté, qu'est-ce que tu vas faire? Sans sécrétion. Mais la journée que ton corps voudra cesser de fumer, qu'il pourra cesser de fumer, tu cesseras de fumer. Donc, la journée que tu auras un corps qui ne fume pas, bon, prenons l'exemple. Si quelqu'un ici prend de la boisson, on ne devrait jamais prendre de boisson. Même pas prendre un verre de vin une fois par année, jamais. Bon, c'est pas grave qu'on en prenne. On ne devrait pas en prendre. Tout ce qui omnibule le cerveau devrait être abandonné. C'est pas grave. C'est vraiment grave, de toute façon. On ne devrait pas en prendre. Mais quelqu'un qui est alcoolique, si un jour on lui donne un corps qui n'est pas alcoolique, est-ce qu'il va le rendre alcoolique? C'est la question qu'on doit se poser. Oui, mais présentement, mon corps est tellement usé. Soit. Mais qu'est-ce qui habite votre corps? Le mental qui habite le corps. Est-ce que c'est le mental qui va avec le corps usé et tout pourri? Peut-être. Alors, ça vaut même pas la peine d'avoir un autre corps. Gagnez le monde de la mort, purgez-vous là-dedans, digérez-vous, fusionnez-vous, réincarnez-vous pluralitairement, prenez un nouveau corps, puis recommencez. Et peut-être vous allez encore en faire un alcoolique. C'est possible. Mais présentement, ton corps est alcoolique. Mais si ton attitude, si ton mental devient lucide, si finalement le maudit corps que t'as, c'est pas celui-là qu'il te faudrait, celui-là, là, il va boire. Puis quand tu dis non, ça se met à trembler. Bon, il ne doit pas boire. Si je bois pareil, ça change rien. Lentement, ce moi, le mental, si j'aurais un autre corps, faites-moi confiance qu'il n'irait pas prendre la boisson. Et présentement, je suis dans ce corps, c'est évident. Donc, je dois m'arranger pour repousser de plus en plus ces choses-là. Et chaque fois que je manque mon coup, aucune importance. Je commence, aujourd'hui. Ça fait 25 000 fois que je commence. Puis, à un moment donné, ce sera la bonne. Puis si jamais la bonne, ça n'a aucune importance. Et vu que je ne le sais pas, autant m'essayer. Ça, c'est pas grave. Mais l'être humain qui lentement a l'attitude de, donc celui qui au minimum comprend l'intelligence d'être dans son corps et de contrôler la musculature, de contrôler la sensation, donc de magnétiser, il est déjà en train de muter son corps et surtout il se prépare à ce que, si un jour l'entité morontielle vient le toucher, qu'il soit un être humain réceptif, qu'il puisse recevoir. Il peut-tu disparaître, cette entité-là? C'est ce qu'il fait régulièrement. Il vient vous toucher et à un moment donné, il disparaît, la sculpture se défait. On doit recommencer. Une nouvelle? Ou bien ben, c'est la même? Ça ne commence pas une vieille sculpture, c'est la défaite. Ça veut... Okay. Non. L'individu qui décide de retourner vers une vieille sculpture risque de nostalgiser sur sa sculpture, donc il risque de la recréer émotivement. Ce n'est pas bon. Comment on fait pour absorber une sculpture? Qu'est-ce qui attire la sculpture au corps physique? Comment on fait pour absorber une sculpture? La sculpture, donc l'entité morontielle, c'est le nom qu'on va lui donner pour l'instant. L'entité morontielle, elle vient vous voir lorsque vous avez la plus grande expression de ce qui pourrait s'exprimer par elle. Lorsque votre attitude est la plus proche de ce que vous seriez dans l'entité morontielle. La journée que tu réincarnes une entité extrêmement pacifique, tu te sens bien, tu te sens pacifique, tu es moins colérique, tu es plus patient, l'entité commence à se rapprocher immédiatement. Subitement, tu, tu n'as pas le goût de commencer à tout cacher. Tu rencontres une personne, puis tu lui dis, « Il me semble hier, là, tu étais agressif par rapport à moi. » Tu ne dis pas ça agressivement. Mais tu ne cumules plus de problèmes. Tu es plus ou moins instantané. Tu ressembles à ce qu'un enfant ferait. Il pense directement. L'entité se rapproche énormément. Et à un moment donné, l'entité va commencer à vous tuer. La problématique, c'est que ces entités moroncielles, ce sont des entités qui n'ont pas la possibilité d'engendrer dans la matière un corps physique d'adulte. Bon. Cela veut dire que ces entités, normalement, si elles s'implantent chez un humain, rajeunissent le corps de l'humain jusqu'approximativement à l'âge de 12 ans, c'est-à-dire avant la puberté. On mettait 14 ans si vous voulez, là, mais avant la puberté. Cela veut dire que l'adulte au complet doit mourir lorsque l'entité vient le chercher. On parle de l'adulte corporel et non pas de vous. Donc, l'entité peut se rapprocher et vous aurez une tendance à vous bouddhiser, c'est-à-dire que vous aurez de plus en plus une intelligence qui aura du cœur. Mais pas du cœur comme l'humain le conscientise, là. Tu ne seras pas en amour avec tout le monde, tu ne seras pas l'esclave, le pas l'esclave parfait qui s'exécute pour ne pas frustrer personne. C'est pas ça le plan bouddhique. Bon. Alors, ce qui va arriver donc, c'est que la chose, l'entité vient te toucher, et pour la recevoir, on doit faire certaines choses. Et on doit ne plus faire certaines choses. Quand l'entité vous intègre au complet, il y a une immersion de l'entité chez vous. Lorsque l'immersion est totalement faite, elle doit se maintenir 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois. Pour que la vibration de l'entité puisse lentement induire et transformer, colorer et assujettir la vibration vitale qui prévaut dans l'actuel présent. Donc, l'entité doit rester plusieurs mois sans être rejetée une seule fois pour s'incrustrer suffisamment pour qu'après ça, vous deveniez psychologiquement cela. Et immédiatement, le rajeunissement est commencé, votre corps physique va retrouver un corps physique qui n'était pas celui que vous aviez à l'âge de 12 ans, mais qui sera un corps de l'âge de 12 ans. Et le corps le plus parfait pour laisser exprimer l'intelligence à travers de vous. Il y a des choses qu'on doit faire, des choses qu'on ne doit pas faire. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour garder justement cette entité? Et c'est pourquoi je dis que l'humain n'est pas capable de l'appliquer. Et c'est pourquoi je dis que moi, je serais, et ça je le dis pour moi, je le dis pour eux autres, pas nécessairement pour vous, mais il y a quelques personnes ici qui ont intérêt à le savoir, c'est que moi, si je travaille avec un enfant qui n'est pas encore dans sa puberté, prépubère, ce n'est pas grave. Cet enfant-là a tout ce qu'il faut pour devenir ce qu'il sera un jour, mais éteint, c'est le temps. Alors qu'après, ça devient l'évolution initiatique ordinaire de l'adulte, où là, on doit prendre énormément de temps et d'explications pour arriver à retrouver une simplicité qu'on avait à l'époque. Je connais beaucoup de jeunes qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, bon, puis même 13 ans, mais ils n'ont pas encore commencé leur puberté, qui sont parfaits. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut que le parent s'implique, puis il faut que... En tout cas, c'est tellement facile que c'est à peu près pas des... On ne peut presque pas en parler. La problématique, c'est que la majorité des parents ne veulent pas que l'enfant soit sauvé réellement, c'est-à-dire que l'enfant finisse par être totalement supramental et être lui, parce que le parent l'attend pour s'incarner dedans. Et ça crée la problématique. Autrement dit, est-ce qu'ici un père ou une mère est prêt à mourir pour que son enfant vive? N'importe quel parent qui va dire « oui, moi », il est déjà au trois quarts lui-même immortel. Et maintenant, on peut sauver son enfant. Quand je parle sauver son enfant, on s'entend, je mets des termes pour qu'on comprenne plus vite, pour les échos comprennent. Et le bonhomme ou la bonne femme qui a décidé de mourir pour sauver l'autre ne vaut déjà trop pour mourir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour recevoir une entité moroncielle, la conserver suffisamment longtemps. On doit faire ce que je vais dire, mais je sais que vous ne pourrez pas le faire. On doit éliminer, ne plus faire ce qu'un adulte fait. En partant. Si vous devez garder l'entité moroncielle pendant 2 ans pour qu'elle s'imprègne suffisamment pour que le processus de rajeunissement commence, ça veut dire que vous ne devrez avoir aucune relation sexuelle pendant 2 ans. Vous en avez une seule, que ce soit une auto-relation sexuelle ou une hétéro, hein? Vous en avez une seule, et l'entité moroncielle est rejetée. il va tendance à revenir, mais on repart à zéro. L'enfant ne boit pas. Il y a énormément de conditions de sa psychologie, de sa vie qu'il ne fait pas, que l'adulte fait, que l'enfant ne fait pas. Et on doit avoir exactement le même comportement psychologique et sécrétatif qu'un corps physique avant la puberté. Et l'entité, lorsqu'elle vient nous baigner, elle va nous aider à le faire. Mais faites confiance à vos parents qui sont dans votre corps physique. Les autres, ils vont s'arranger en maudit pour que vous passiez à côté de la traque. C'est jamais grave. J'ai pris une bière pendant ces deux dernières années. Quand est-ce que tu l'as pris? Il y a 3 mois. Parfait. Ça fait 3 mois maintenant que l'entité est là. Il reste encore 2 ans. Mais comment contrer les attaques astrales entre les moments où l'entité mentielle te touche? La négoïsation. Si tu n'es pas suffisamment négoïque, ça va être remis plus tard. La négoïsation, le contrôle du mental. Parce que l'astral ne veut pas que ça se produise. Mais l'astral est au courant. L'astral est au courant. L'astral ne comprend pas toute la mécanique. Une chose qui est certaine, c'est qu'à un moment donné, même sans comprendre la mécanique, même sans être au courant, lorsque grand-papa ou grand-maman a besoin d'une relation sexuelle pour se nourrir un peu, elle descend chez toi, puis elle prend ton corps physique, puis elle s'organise pour que tu sécrètes. Puis là, d'un coup, tu as le goût. Et si ça arrive, tu dois travailler pour que ça n'aboutisse nulle part. Mais grand-papa ou grand-maman, ou papa ou maman qui se réincarne immédiatement chez toi, bien, eux autres, même s'ils ne comprennent absolument pas ce qui se passe, tout ce qu'ils se rendent compte, c'est que tu n'obéis pas. Puis l'enfant est fait pour obéir. Alors, ils vont mettre des pressions. Ils vont placer différentes choses. Ils vont s'arranger pour que tu finisses par avoir une relation sexuelle. Et c'est ainsi que ça va se passer. Ils ne travaillent pas contre toi, ils travaillent pour eux autres. Puis toi, pendant ce temps-là, tu dois travailler pour toi. On peut considérer qu'un individu, et là, ce sont des chiffres que je donne comme ça, qui ont une certaine valeur, ça dépend de chaque individu, ça dépend où on en est rendu. Un individu, par exemple, qui... Bon, c'est pas tout à fait vrai. Ça se fait lorsqu'on a une entité moronciale qui commence à nous imprégner, à être immergée chez nous. Si on est capable de résister suffisamment à une tentative d'adulte, l'entité vient de gagner 30, 40, 60 jours d'accélération. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous sommes, nous, là, pour résister, nous l'imprégnons. Elle descend nous aider à résister. Chaque fois que nous perdons au minimum un mois et demi de travail à chaque fois qu'on se trompe. Ça veut dire que dans ce combat astral-là, si je résiste, l'entité astrale vient doubler mes forces. Non. Chaque fois que tu résistes, l'entité moroncielle vient doubler tes forces. Oui, l'entité moroncielle vient doubler mes forces. Si je le contraire de résister, si je perds, si je cède, c'est l'entité astrale qui vient me quadrupler ses forces. Oui, c'est similaire. C'est-à-dire que chaque fois que tu perds plus que quand tu gagnes. Jusqu'à un moment donné où on sera plus ou moins équilibré, jusqu'à un moment donné où ce sera l'inverse. Mais là, comme l'évolution est exponentielle, mathématiquement, c'est le même phénomène d'exponentialité. Plus ça va aller, plus ça va aller facile. Donc, les trois derniers mois, après 2 ans, tu ne peux pas faire de conneries, c'est dans le début. Et ce qui va arriver, c'est que l'ego va d'ores et déjà dire, « Ah, par nous, je sais, juste pas faire de relation sexuelle pendant 2 ans, moi, en partant, oublions ça. » Oui, si la vie vaut rien, effectivement, on peut oublier ça. Oui, mais moi, j'ai mon mari, moi, j'ai ma femme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a moyen de s'en sortir. Mais c'est tant que l'entité morontielle n'est pas plus de la moitié en toi, que c'est plus dur. L'entité moroncielle est puissante. Fait qu'elle n'a pas besoin de se rendre à la moitié. Non. Tu fais l'amour avec ton mari, puis tu ne veux pas. Alors, tu peux vivre un viol. Tu n'as donc pas vécu une relation sexuelle comme un adulte le vit. Quel est le moyen de s'en sortir? Sortir de où? Tu viens de dire qu'il y a moyen de s'en sortir. C'est ça. Au niveau de la relation sexuelle, par exemple, il faut que tu fasses violer. Oui, mais là, c'est compliqué parce que si un enfant se fait violer, c'est pas l'enfant pur et de l'entité moroncielle. Oui, si l'enfant se fait violer, il n'y a aucun problème là-dedans. Mais là, tu ouvres une autre porte, un autre bagage. Ça te permet d'être dans un contexte qui ne comprend rien pour continuer à travailler sans répulser ton entité moroncielle. Il y a d'autres mécaniques que vous découvrirez en temps et lieu, que je ne préfère pas parler parce que je vais trop... certaines mécaniques. Mais une chose est certaine, c'est que l'entité morontielle existe. Vous êtes tous pris dans une problématique assez intéressante, c'est que vous allez tous mourir physiquement. Vous coupez le canal réincarnationnel, génial. Vous allez vous en égoïser. C'est même un acheteur de pensée extrêmement opérationnel, parfait. Vous allez vous en égoïser et créer un double éthérique. L'autre problématique, c'est qu'à l'intérieur de chacune de vos cellules, vos parents vous attendent pour vous tuer. Et ils le font régulièrement, quotidiennement, ils vous amènent vers la faille. Et dans tout système d'évolution, jamais on n'a parlé de cette mécanique qui amène le vieillissement. On a parlé de l'immortalité, une personne qui l'a atteint. Ben, il y en a un ou deux, mais ils n'ont même pas la peine d'en parler, ils sont morts. Ils ne sont plus là. Ils sont pas morts, ils ne sont plus là. Il est tout à fait bizarre, je ne veux pas dire stupide, d'être pris dans un corps physique qui, de toute façon, est manipulé par des entités, des ancêtres, qui ne comprennent rien à ce que nous sommes. Nous sommes jeunes dans un corps qui s'en va. Je ne parle pas jeune de cœur. Vous ne vous reconnaissez pas la face quand vous vous regardez dans un miroir. Vous êtes dans le mauvais corps. Et on peut transformer le corps, on peut le rajeunir, on peut le guérir, on peut le muter. La façon la plus facile et la plus longue, mais il n'y a pas de façon plus rapide dans le contexte planétaire aussi facile qui fonctionne, c'est la manifestation. La mentalisation du corps physique pour désassujettir le corps de son astralisation. C'est la seule façon facile qui fonctionne sur la planète. Une façon plus rapide, c'est la fusion avec une entité morontielle. Et on y a accès. Mais pour la conserver, on ne doit pas faire une seule erreur. Si les alchimistes avaient un grand œuvre qui durait 9 mois sans erreur, vous avez un grand œuvre qui peut durer plusieurs années sans erreur. Et ça va de plus en plus facile. Bon, ça en vaut la peine, évidemment. Il faut attendre qu'une entité vienne. Et qu'est-ce que ça donne quand une entité morontielle se pointe? Je ne veux pas en parler tout de suite. Les égaux vont s'en approprier, vont se créer des entités astrales. Et voudront se fusionner à eux. Mais on n'a pas le choix. Ça se présente un peu comme si c'était une question volontaire. L'humain a le choix. L'humain n'a pas de libre-arbitre et l'humain a un libre-arbitre. Mais, c'est tellement clair pour moi. Parce que moi, j'amenais ça dans le sens que l'entité morontielle se crée d'elle-même. Oui. Donc, j'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et tu as le choix. Elle se crée, puis si j'ai la nostalgie de moi-même, c'est parce que moi, c'est plus là qu'ici. Oui. Donc, j'ai pas le choix non plus. Non, mais par contre, tu peux mourir de ton corps physique bien avant d'aller de fusionner ton entité morontielle. Mais où j'aurais eu le choix, là, dans ce... Ce qu'il faut comprendre, et c'est toujours la même affaire, c'est que... L'être humain est manipulé dans son astral. Et ça va être plaisant à un moment donné quand les humains vont comprendre. C'est tellement clair, tellement facile que j'ai tellement pas de mots pour l'expliquer qu'il faut que je me mette une fièvre sur la tête, il faut que je me mette à fouiller partout pour arriver à comprendre, à aller ramasser de l'énergie tellement à étirer pour arriver à expliquer quelque chose d'extrêmement banal. Bon, et merde. L'astral de l'humain. Un jour, je vais devenir extraterrestre, puis je vais pouvoir vous crier à pleine face. J'aurai un autre contexte, le contexte de l'humain. Tu auras besoin d'une volée. Une volée morontielle. Oui, c'est ça. Oui. Il n'y a pas de libre-arbitre dans l'ego de l'humain, c'est absolument évident. Vous aimez en fonction de vos programmations, vous haïssez en fonction de vos programmations, vous choisissez en fonction de vos programmations. Mais j'ai déjà dit que si on rajoutait la programmation là-dedans, on colorerait votre fonctionnement. Donc, première liberté, c'est de manipuler la structure qui est manipulable. Alors, plus je vais vous dire que telle affaire, c'est yak, c'est médiocre, c'est ceci, c'est cela, plus vous allez vouloir vous diriger ailleurs. C'est comme de dire à l'humain, crème des nièces, toi, choisis donc le bon côté. Bon, ok, moi, choisir le bon côté. Voilà. Tu n'as rien choisi de manipuler. Mais en te disant de choisir 20 000 fois, tu finis par choisir. Tu n'as pas choisi. Mais tu as choisi. Maintenant, ce qui arrive, c'est que la conscience intelligente, la conscience supramentale, elle est libre. Elle ne peut pas rendre le libre-arbitre planétaire. C'est-à-dire que si tu veux t'asseoir là où je suis assis, tu ne peux pas. Si tu décides de dire « je veux m'asseoir là où tu es assis » sans te toucher et sans sauter de là, ben, tu ne feras pas. Il n'y a pas de libre arbitre planétaire. Mais l'intelligence a la capacité, elle, de venir s'immiscer à travers les structures évolutionnaires de l'ego, de l'astral, et là, de ce point de vue, le mental peut faire un choix. Mais ce n'est pas un choix réel, c'est-à-dire que si je dois choisir d'être immortel, c'est parce que je ne le suis pas. Donc, une manipulation. C'est évident. Mais ce n'est pas une manipulation en fonction d'une limitation d'informations dans la structure mémorielle de l'ego. C'est une manipulation en fonction des limitations cosmiques planétaires. C'est une manipulation en fonction de l'absurdité et non pas une manipulation en fonction de l'émotivité. Et l'absurdité n'est pas une question, dans l'animal humain, l'absurdité est une question d'information, de goût, d'émotivité. Mais dans la gestion intelligente de l'évolution de l'humain, l'absurdité est une question d'anti-intelligence. Ce n'est pas intelligent, c'est pas une question de goût. Alors, je deviens un être qui a la capacité de choisir. Je peux choisir d'obliger mon ego et ma structure vitalo-physique à vivre certains stress, et là, ils vont suivre. C'est le choix de l'homme. C'est le choix de la femme, c'est le choix de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, de l'enfant nouveau. C'est le choix de celui qui s'en va vers une société intelligente. Pas une société matérielle. À un moment donné, vous allez vous réincarner dans cette société. Et le reste des animaux humains seront dans leur apocalypse. À un moment donné, vous allez être extraterrestrifié. Vous allez être emporté par une mécanique extraterrestre vers cette société. Mais les autres iront dans leur apocalypse. À un moment donné, bon, de n'importe quelle façon. Et ça se fait. L'humain peut faire le choix. Mais ce n'est pas un choix astral. Ce n'est pas un choix de vitesse. Ce n'est pas un choix d'émotivité. L'humain n'a pas de libre-arbitre tant que c'est de l'ego. Il n'y en a pas. Oui, mais moi, je suis écœuré de... C'est pas ça qui va t'amener un libre-arbitre. Mais dans la conscience. Et quand on parle du plan vital, du plan moronciel, c'est de l'information... C'est pas de l'information, c'est de l'énergie sans forme. Si on crée une forme vitale, l'entité moronciel, elle n'a pas d'ego. Et nous pouvons choisir mentalement de nous fusionner à ce genre d'entité. Par contre, il y aura une lutte programmée. On ne peut pas dire à l'ego, ben oui, mais tu devrais comprendre. L'ego est manipulé. Alors, nous pouvons mentalement choisir de faire souffrir notre ego. Mais l'ego peut souffrir à un point tel qu'il va omnibuler le corps physique et rabaisser suffisamment notre taux vibratoire pour que le mental ne puisse pas continuer à dominer. D'où l'importance de manifester. L'importance de se préparer avant. Pour ne pas instruire l'ego qu'on manque notre coup encore. Pour que celui-ci se dise, oh, mais je suis essayé 4 fois, ça, je vais me fonctionner. Mais moi, je parle le choix, c'est au niveau, quand tu es attiré vers quelque chose, tu es attiré, tu te propulses vers la chose. Donc, tu n'as pas le choix dans oui, ce sens-là. Tu n'as pas le choix d'y aller. Sauf que si ton ego est totalement en répulsion contre la chose, à un moment donné, tu peux être repoussé. Et c'est là que tu auras un choix intelligent à faire, un choix d'intelligence supramentale, un choix supramental, où tu ouvres la vanne, ça fait passer plus d'énergie pour recréer une attraction, et là, l'ego va souffrir en maudit. Et je ne parle pas de vous haïr. Pas de voyage en Afrique là-dedans. On doit simplement obliger notre ego, notre entité, notre mental à aller vers où on doit aller. Puis le reste, le câble, le corps, l'astral, le vital et l'ego, ben, ils devront suivre. Mais ils peuvent traîner de la patte, s'agripper à tous les murs qu'ils vont rencontrer, nous rendre, s'exprimer plus violemment, plus colériquement, plus impatiemment, alors qu'en réalité, on dirige vers la bonne place. Quand je parle d'un choix, c'est un choix au niveau du mental minimum ou du supramental. Est-ce que je mets plus d'énergie ou non? Mettre plus d'énergie, c'est souffrant. Pour l'ego. L'ego va se venger sur le corps physique. L'ego va se venger sur les autres, sur autrui, sur un paquet de choses. Et l'ego va aussi créer une image du mental qu'il va projeter dans le mental. Et le mental va se dire, crime, je suis si laid que ça. Parce que le mental est comme l'ego. C'est comme un œil, ça voit, mais ça ne se voit pas. Le mental se voit dans la réflexion qu'il a de l'ego, ou moi, je peux te dire comment est ton mental. Ton mental se verra dans la réflexion que je te donne. Ça restera de la coloration, mais elle est beaucoup plus dangereuse au niveau de l'ego. Mon mental est écœuré. Non. Tu vois l'image du mental dans l'ego et l'image de l'écœurement dans l'ego, tu penses que les deux, c'est la même chose. Tu prends du vert, tu prends du bleu, tu prends du jaune, tu mets ça ensemble et tu dis, c'est ta couleur. Non, la couleur qui est en dessous, c'est la couleur de l'ego, puis la couleur qui est en haut, c'est le mental réfléchi, puis toi, tu vois tout ça au complet, tu penses que c'est ça. Il y en a beaucoup des humains ici qui ont un mental écœuré, qui ont un mental frustré, qu'un mental qui souffre. Non. Il regarde une photographie passer par-dessus une autre photographie. Mais le mental, non. Le mental, ce n'est pas impartial. Le mental, ce n'est pas ça du tout. Et si un être humain décide de commencer à la conceptualiser son entité morontielle, c'est qu'elle est déjà conceptualisée. Qu'elle a déjà commencé. Oui. Ça arrive, est-ce que ça arrive? C'est que l'humain, lorsque le mental de l'humain va décider de le faire, c'est qu'il découvre que ça se fait. Mm-hmm. Alors maintenant, il décide que c'est le chemin. Alors il veut pousser là. Comme on peut pousser vers la négoïsation. La négoïsation, vous devriez le vivre régulièrement. Et l'humain ne le fait pas. Même à travers l'élite de ceux que je connaisse, qu'est-ce que c'est qu'une élite humaine sur votre planète? Qu'est-ce que c'est? Bien fin, bien niaiseux. Un individu qui met un millième de sa vie à l'évolution est un élite. C'est l'élite. Il est au-delà de la majorité des animaux humains, c'est une vraie part, c'est l'élite. Et l'élite de l'élite, celui qui met un demi-millénième de plus. Alors qu'un être humain qui décide en dedans de quelques mois ou en dedans d'un an de mettre 24 heures sur 24 uniquement ce qu'il devrait être, et certains encore à cause des égos vont dire « je joue à ». Tu ne joues pas à. Tu es autre chose et le reste veut continuer à jouer à ce que tu n'es plus. Si l'humain place plus de temps dans son évolution, rapidement, l'évolution est facile. L'humain va dire « oui, mais moi, par exemple, j'ai suivi le PMC2, le PMC3, j'ai appris certaines choses, alors j'ai mis donc beaucoup de temps. » Non, tu as mis certaines heures. Et ce qui fait aussi que la majorité, vous pouvez comprendre les choses que je dis. Alors que les autres humains ne peuvent pas, il y a déjà une maudite évolution. Vous êtes l'élite de la planète, mais pas l'élite de l'élite. Il n'en faut pas gros. Mais ça demande énormément d'énergie astrale. L'individu vient, il fait 3 heures, par exemple, de programme maître contrôleur par semaine, et cela pendant 3 ans. Mais pendant ces 3 heures de PMC, à un moment donné, il y a quelqu'un qui levait la main. Puis là, il se dit, oh, c'est pas encore lui. Alors, il se frustre. Bon, alors son PMC était à l'eau. Et après ça, il se disait, bon, ah, mais oui, c'est encore ce prof-là. Et puis, c'est PMC était à l'eau. Et après ça, il disait, ah oui, bon, un examen aujourd'hui. C'est tout niaiseux. Ils font comme des écoles, t'es un examen. On vérifie les égos, cet examen, on sait ce qu'on veut faire. On peut savoir si tu vas passer ou pas, on veut vérifier les égos. Et les égos sont tout le temps en train de sécurité. Ton PMC est à l'eau. Moi, ce que je dis, c'est que l'humain doit mettre minimum 1 minute par semaine à être lui. Et il est de l'élite. Et les imbéciles d'égos vont dire, ah oui, ben 1 minute par semaine, c'est facile. Non, pendant cette minute-là, là, vous allez triper sur votre minute. C'est très facile. Et quand je dis on doit faire un choix, le choix de l'homme nouveau, le choix de la femme nouvelle, le choix de l'enfant nouveau, on parle au niveau du mental. Toute la merde doit suivre. À un moment donné, on bifurque et on se dit, c'est là que je vais. Et là, ça souffre, ça ne veut pas, c'est insécure, ça le part, ce que vous voudrez. Alors, on fait une analyse mathématique, une analyse logistique, minimum. C'est mieux une analyse intelligente, c'est au-delà. Mais au minimum. Est-ce que c'est là que je veux aller? Est-ce que je veux rester dans ce métier toute ma vie? Non. Non! Bon. Est-ce que je veux être un médium toute ma vie? Non. Non! Bon. Est-ce que je veux être dans l'illusion totale tout le temps? Non! Bon. Est-ce que je veux mourir sans rien avoir réussi à faire dans ce que j'appelle la conscience? Non! C'est simple. Qu'est-ce qui est important? Je vais t'entendre encore de 5 minutes. Là. Qu'est-ce qui est important? Bon, quand je parle d'important, éliminons ça. Qu'est-ce qui est utilisable? On ne devrait travailler qu'avec ce qui est utilisable. Utilisable. Tout le reste ne l'est pas. Et l'ego, ce n'est pas utilisable, ça use. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit faire ce choix de l'homme nouveau. On décide que la société, par exemple, n'est pas notre goût. Créons une attitude, réincarnons des mémoires de l'avenir d'une société brillante. Oui, mais ça ne va rien changer. On n'a rien à foutre de rien changer. Nous, on l'utilise pour nous, pas pour sauver l'humanité. Est-ce utilisable? Bon, l'être humain qui prend 1 minute par jour à arrêter, j'ai déjà expliqué ça dans un PMC, plus j'ai déjà expliqué ça souvent en conférence, tu es en train de courir, tu es en retard et subitement, knick-knack, t'arrêtes, tu ralentis, tu débarques du monde. C'est ça qu'on doit faire. Et là, je débarque totalement du monde, ma vitesse de marche ralentit, et subitement, je suis dans un monde parallèle pour les imbéciles qui me regardent. Et je commence à ralentir, je dépose mes pieds lentement, je marche lentement, Je conscientise ma respiration. Je conscientise, je magnifie tout le corps physique en mouvement. Je suis jeune. Je ne vais nulle part. Je marche. Pourquoi je marche? Uniquement pour percevoir de l'événement. Je bois une minute. Après ça, faites le reste de votre semaine en fouillant folle comme vous le faites. Vous êtes déjà de l'élite. Mais pourquoi vous êtes de l'élite? Parce que regardez bien que tous ceux qui auront essayé ce que je dis une fois, la semaine d'après, ils vont oublier. C'est atroce pour l'animal humain de juste décider pendant une minute par semaine de ne plus être un animal humain. Tu es en colère? C'est facile de dire. Moi, par exemple, je fais un jeûne et je n'ai pas de problème. Vous ne dirai pas un mot de carte. Tu fais tout sort de table. Bon. C'est évident. La personne ne va dire, bon, je suis moi-même, je suis en paix. Quand? Mais quand tu es en paix? Non, non. Quand la colère gronde, quand ça commence à mal aller, tu débloques, tu sors du monde. Et là, tu es toi. C'est ça l'élite. L'élite, c'est celui qui se contrôle, c'est celui qui est extraterrestre, c'est celui qui n'est pas comme les animaux de la planète. Ça, c'est l'élite. Une minute par semaine, vous êtes de l'élite. La majorité, vous ne pourrez pas l'appliquer. Mais ce que je dis, moi, c'est qu'on doit mentalement prendre, faire le choix. Tu l'écris sur ta main, sur le front de ta femme ou de ton mari ou de tes enfants, je te vois, ton front, ça ne sert à rien. Tu dois t'arranger. Et de quelle façon pour s'arranger? On parle d'énergisation par la suite d'énergification. On doit commencer par bien considérer que nous ne sommes pas si merveilleux. Et on parle de l'ego. Je parle souvent avec certaines personnes qui ont partie du groupe des chefs et on en discute. La gang de si imbéciles qu'on est. Et le terme aussi est important. Pourquoi? Parce que, et je l'ai déjà dit à un moment donné, je l'ai déjà dit ici avec, ça ne fait pas grand-chose, ça va se mettre quelque chose à un moment donné, au minimum, je le dis pour toi. C'est que tout ce que vous avez que vous appliquez pour, je suis fait la farce. Et une minute par semaine, je peux même dire par mois, ça va déjà en améliorer un paquet. Puis là, comparons-le pas au reste, eux autres, il leur faudrait une seconde par vie, ce serait déjà bon. Ils sont morts. Pour prendre le choix, c'est une logistique. Le choix, c'est une colère mentale. Quand je parle de souffrance mentale, c'est un terme pour que l'ego comprenne ce que je veux amener. Mais la colère mentale, le bouillonnement mental, la fièvre mentale, le « je ne suis pas dans la bonne création », c'est le bouillonnement mental qui fait que tout au complet autour de nous est totalement désharmonisé, c'est déphasé, ce n'est pas ça. Mais ça, ça peut nous permettre de décider quelque chose. Ça va nous permettre simplement de décider que le bonhomme, la bonne femme, bien quand tu suis. Où je m'en vais? Ferme ta gueule! Tu suis! Et l'ego fait aimer! Mange des carottes, mon petit mange, va t'acheter un bec de temps en temps. Traitez-le en imbécile, c'est d'ailleurs juste ça que c'est de la mémoire. Mais on attache tellement d'importance émotive à la mémoire, c'est-à-dire que l'ego. L'ego, copie le mental, et immédiatement, avec des colorations émotives dans le mental, après ça, il vient placer tout devant le miroir du mental, et le mental qui se regarde dit « Ah! Faut quand même que je fasse attention à ceci. » Il vient de faire avoir. Votre mental a deux façons de se connaître. Il y en a trois. La première, c'est demander à autrui. Ce que plusieurs humains font, ils viennent me voir pour que je les confirme. Mais éliminons celle de l'extérieur. Il y a deux façons. Vous observez dans votre ego pour savoir comment vous êtes mentalement, ou vous observez votre supramental, votre esprit, vous observez votre intelligence pour savoir comment vous êtes mentalement. Mon ego est frustré, je comprends. Là, mon mental est frustré, là. Tu sais, ça fait 20 fois que dans la classe qui pose ces mauvaises questions niaiseuses, là. Non, c'est mon mental qui est frustré parce que mon mental sait que je perds du temps. Mais vous avez un maudit ego. Vous êtes de l'égoïsme pur, mais réellement d'une pureté qu'on ne voit que rarement. Vous êtes de l'intellectualisme égoïsé pur. Non, là, c'est mon mental, parce que je ne vois pas l'intelligence d'être dans une classe avec cet imbécile. Tout le cours PMC est un cours pour vous en égoïser. Je disais même souvent aux élèves, quand je donnais le cours, que si vous en trouvez un là, qui vous écarte, qui pose des questions niaiseuses, qui vous fait perdre du temps, ben dites-moi là, je vais le payer. Il m'aide à vous faire chier. Et vous êtes là pour vous en égoïser. Merde, vous n'êtes pas là pour apprendre à contracter le quadriceps fémoral. Vous êtes là pour apprendre à ce que ça ne vous dérange plus d'apprendre à contracter le quadriceps fémoral. Monsieur, madame, c'est où déjà le quadriceps fémoral? On lui explique ce que c'est, puis là, vous êtes frustré, vous êtes tanné. C'est ça, l'évolution. C'est de ne pas être frustré, de ne pas être tanné. Oui, mais je n'ai pas l'intelligence de... que de l'ego. N'importe quelle structure, n'importe quelle, ça ne veut pas dire d'endurer continuellement, car ça ne vous touche plus. Ça peut être le temps de changer la structure. Et bien souvent, ça change tout seul. Oui, mais j'évoluerai plus vite sur une classe de meilleur. Non. Tu aurais l'illusion. Tu apprendrais. Tu aurais l'impression que... C'est comme l'alcoolique. Il n'est plus alcoolique, il ne va plus dans une taverne, c'est qu'il a vu qu'il est dans un désert, qu'il n'y a plus de mousse de boisson, boire du sable, il n'est pas capable, il n'est plus alcoolique. Ouais, donnez une bouteille de bière, c'est le voir qu'il est alcoolique. Alors, c'est ça qui est la nuance. Alors, l'évolution de l'humain, bien souvent, c'est une fuite, et c'est pas ça qu'on doit faire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On parle de l'élite, on parle de l'évolution, on parle même d'aller chercher l'entité. C'est facile. Et que c'est facile. Mais on doit uniquement se servir des choses utilisables. J'ai déjà dit, à un moment donné, dans un séminaire, que vous deviez investir sur le long terme. Dans 20 ans d'ici, il ne restera plus rien de votre automobile, il ne restera plus rien de vos colères, de vos frustrations, de votre bonne femme, de votre bonhomme, de votre voisin, de votre patron, de votre employé qui vous a envoyé chier, de la personne qui vous a insulté ou qui vous a frustré. Il va rester vous. Puis si vous avez perdu tous vos morceaux en vous en venant, ben il va rester vous. Qu'est-ce qui va rester de vous? De quoi rebâtir? On parle d'aller se déséduquer. On parle de se désinstruire. Pour revenir comme un enfant, pour après ça s'instruire dans le bon côté. Ben, c'est la vie qui vous a formé, la vie vous a déformé totalement. Il y a des enfants qui sont frustrables. Absolument. Qui sont frustrés aussi. Donc, c'est bien, les parents s'incarnent dedans. Donc, moi, je pense que les enfants vont travailler. C'est uniquement avec les enfants supplémentaires. Il y en a quelques-uns. Avec les enfants teflon. Mais plus ils sont teflon, mieux ils sont. Ça peut être des enfants à problème, ça dépend du cadre dans lequel ils sont placés. Mais un enfant qui est supplémentaire, lui, il est intéressant. Il va être frustrable lui aussi, mais il est capable d'intelligencer l'absurdité de la frustration. Il a un ego, il cumule des mécaniques réincarnationnelles. Ça, c'est pas grave qu'un enfant soit frustrable. Dernièrement, dans le bois, il y en a un qui était là. Il a voulu descendre quelque chose, il n'a pas pu, son ego a eu trop peur. Bon, mais il en a même broyé. Mais quand je lui ai expliqué qu'on s'en foutait, que son ego, il broyait, qu'il broye son esti d'ego. Mais lui, là-dedans, là, lui, il voulait descendre. Il dit, oui, je vais descendre. Puis ton ego n'a pas voulu. Bon, avant qu'il comprenne un petit peu, ben finalement, tu voulais descendre, mais quelque chose t'a forcé à ne pas pouvoir descendre. Ah, ça, c'était clair. Bon, puis après ça, il a compris c'était quoi son ego. Puis ce temps-là, il s'en maudit c'est quoi un ego, puis il sait qu'il y a deux dans lui. Un imbécile total qu'il devra planter. Puis après ça, il sait que la frustration, c'est lui. C'est pas le mental, c'est l'ego. Donc, ça veut dire que si on rajeunit jusqu'à 12 ans, on va quand même avoir des frustrations. Non, mais ça parce va que être... Non, quoi? Il va être l'intelligence. Non. Une nuance. Tu ne redeviens pas la petite fille que tu étais. Tout à l'heure, j'ai dit que tu restes toi. Si tu t'en égoïses pour avoir une fusion avec une entité moroncielle, si tu t'en égoïses pour avoir une immortalité de conscience du point de vue d'un double éthérique, si tu as un corps jeune, tu ne seras pas un jeune. Tu vas être que les humains... En tout cas, il va y avoir un mot, il se paquet de tout autour de toi. Quel est le lien entre le double éthérique et l'entité moroncielle? C'est toi. Puis qu'est-ce que c'est moi là-dedans? Ton corps physique, entre autres, ta génétique, ton ego, le mental qui est en évolution, grosso modo, c'est que l'entité moroncielle est une création du phénomène supramental. C'est d'ailleurs la création... Wow, c'est bien. C'est très bien, c'est génial. Ouais. T'as une autre question? Mais est-ce que c'est une entité moroncielle, c'est-tu en attendant ou... Bon, je vais t'expliquer quelque chose, que je vais vous expliquer en même temps. Il faut toujours faire attention, parce que l'être humain a accès à de l'information prédigérée par des martyrs de la transition supramentale, et l'être humain, dans son astralité, dans sa théologicité, il a accès à de l'information qui l'a colorée. Bon. Alors, à un moment donné... Dans le passé, on a parlé de réincarnation, on avait mal compris. On a parlé de résurrection, on avait mal compris. On a parlé de 144 000 élus, on avait mal compris. Tous les humains sont réunis là-dedans. On a parlé de tellement de choses. Et on parle aussi de mécaniques extraterrestres. Il y a des mécaniques extraterrestres totalement astrales qui ont comme seule fonction de posséder l'humain pour le diriger sur une mauvaise voie. Il y a des mécaniques extraterrestres qui sont en phase d'involution et qui se cherchent des corps physiques évolutifs pour rejeter l'âme qui est à l'intérieur, donc rejeter la conscience, posséder le corps physique pour maintenant bloquer leur involution et repartir plus rapidement. Mais l'humain attend quand même un sauvetage extraterrestre. L'humain s'attend quand même à ce qu'à un moment donné, il y ait une contingence extraterrestre qui vienne les chercher. Il y en aura une. J'ai déjà expliqué de quelle façon les extraterrestres peuvent intervenir. C'est une conférence sur quand les extraterrestres interviendront. On pourra s'y référer, ça ne tente pas de répéter. Bon. Mais il y a une autre chose aussi tout à l'heure, j'ai bien expliqué que l'humain lui-même ne peut pas s'en sortir s'il n'y a pas d'intervention extraterrestre. Et j'ai expliqué que l'intelligence instrumentale, je l'ai dit souvent, est une conscience extraterrestre, elle n'est pas rayonnée par l'expérience de notre planète. Elle amène de l'expérience. L'être humain qui se crée une entité moronciale crée donc un phénomène extraterrestre. Et il aurait intérêt à vivre une fusion avec cette entité extraterrestre qui est lui. Donc, lentement, l'intelligence instrumentale qui descend chez toi peut engendrer une copie parfaite au contact de l'expérience imparfaite de la biologie génétique planétaire, recréer dans le plan moronciel ce que ça aurait dû être. Ce que ce corps aurait dû être. Ton mental va le faire. Mais c'est une entité extraterrestre. Elle ne vient pas de la Terre. Elle n'est pas née de la Terre. Elle est née d'un contact entre de l'extraterrestre et un contact expérientiel planétaire. Mais sa substance, sa structure ainsi que sa finalité n'est pas planétaire. Tu viens de créer un double extraterrestre qui est toi. Enfin, qui n'est pas toi, mais qui est le véhicule le plus parfait pour que toi, l'intelligence, puisse être planétarisée. Tu devrais donc avoir un contact avec une entité extraterrestre qui n'a pas d'ego, qui est vide, qui est ce que tu devrais être biologiquement. Donc, de ce fait, tous ceux qui y attendent un salut extraterrestre sont à côté de l'attaque. Mais ils ont raison. Certains humains y auront accès. Donc, tu deviens extraterrestre. Absolument. Tu te désassujettis de la génétique de tes parents. Donc, ta génétique n'est plus planétaire. Tu es extraterrestre dans ta conscience. Tu es un enfant dans ton expérience, psychologique, même physique, et tu t'es mis au monde toi-même. Cela revient à ce que j'ai dit souvent, l'humain doit se mettre au monde humain, il doit être totalement désassujetti de la génétique de ses parents, parce que sinon c'est ses parents qui le mettent au monde. Se mettre au monde, ce n'est pas rentrer dans le ventre de sa mère et faire sortir. Votre mère ne voudra pas. Se mettre au monde, c'est s'engendrer. La cellularisation, la mutation crée cet engendrement. L'homme nouveau est un être neuf. La femme aussi, l'enfant aussi. Se mettre au monde. L'être humain doit avoir tout ce que le jeune a. Donc, il doit devenir un enfant. Il doit se mettre au monde et nécessairement, il doit avoir une conscience extraterrestre. Mais moi, en tant qu'extraterrestre, je vais pouvoir vivre sur la Terre. À cause du corps physique que tu auras parfait pour pouvoir vivre ici. Mais je vais être encore à deux places en même temps. Pas encore. Tu ne seras plus qu'à deux places en même temps. Parce que là, actuellement, je suis à combien de places en même temps? Oh, toi, 12. Là, il faut unifier ça pour récupérer l'énergie. Oui. Et là, bon, elle me présente que je suis à deux places en même temps. Où se situe mon double éthérique? Le double éthérique reste en plan moronciel, donc c'est la même place que ton entité. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'entité moronciel va se fusionner, lorsque tu l'acceptes, lorsque tu l'intègres, lorsqu'elle bouillonne et lorsqu'elle te transforme, c'est toi. Tu auras une bilocation dans le globe éthérique, conscience supramentale, et dans le contexte planétaire, conscience planétaire. Ah, c'est là les deux places, là? Oui. Donc, ça, je vais être en lien direct avec le double éthérique? Oui, absolument. Par le canal ajusté à la pensée. Donc, c'est ça qui est extraterrestre, c'est le double éthérique? L'entité, non. Ton corps, maintenant, physique, sera extraterrestre lorsqu'il aura été extraterrestrialisé par l'entité moroncielle. Donc, si un médecin, à un moment donné, vérifie ton corps physique, il trouvera un cœur, des poumons, tout un paquet de choses. Mais il ne comprendra pas comment ça se fait que tu as un corps dans cet état, alors que le baptistère falsifié que tu lui as présenté dit que tu devrais avoir une trentaine d'années. Et les individus qui vont te côtoyer ne pourront comprendre. Tu es une personne extraterrestre qui provient de l'extraterrestrialité de ce monde. Tu n'es pas né d'un père ou d'une mère. Ce corps est mort depuis longtemps. Non, c'est vrai. J'ai d'autres choses à vous dire. On fait une pause. On vient.